te fait très mal, nous te vivons très bien. Yo te toujours dit femme et bâle. C'est pour lié à moi, vinoué ça. Cependant, moi pas de penser au ta même transaction. Moi résiliens subitement. Ma chère souffle la joindre par an. Ma bien content. Son seul bagage m'a pensé.